السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous avons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala commencé une série de cours s'intitulant « Les moments précieux ». Et ce, le 22 mars de l'année 2020, ce qui correspond au 27e jour du mois de Rajab de l'an 1441. Nous voici donc dans le second cours. Hier, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons étudié l'importance de la foi. Nous avons étudié l'importance de la foi et que c'était le trésor le plus précieux, le but que l'on doit tous rechercher, la chose à obtenir, à parfaire, à préserver, à entretenir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre au nombre des croyants, d'augmenter notre foi, de nous la préserver jusqu'à notre rencontre avec lui subhanahu wa ta'ala. On a également mentionné que l'iman minnatullahi ala abdi, la foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. C'est une grâce et un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut avoir la foi sans recevoir ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi repose sur 6 piliers, sur 6 grands fondements qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il nous soit favorable ou défavorable. Et ces piliers ont été mentionnés dans plusieurs endroits du Coran, comme nous avons cité pour exemple Suratul Baqara au début de la Sura, dans Suratul Baqara verset 136, dans Suratul Baqara à la fin de Suratul Baqara. Quant au verset sur Al-Qadar, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, dans sourate Al-Qamar. Dans sourate Taha, nous avons également Thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Et les textes relatifs au pilier de la foi sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Imanu bid'un wa sab'una shu'bah. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la foi comprend une soixante-dizaine de branches. Bid'a, c'est le chiffre compris entre 3 et 9. Donc je traduirai ici par une soixante-dizaine de branches. Sa branche la plus haute est la parole « La ilaha illallah ». et la plus basse est de doter une nuisance du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi dans son entièreté, ses différentes branches, ses différentes sortes, ses différentes actions, sont nombreux d'une soixante-dix. Il y a une soixante-dizaine de branches. Quant aux piliers, aux fondements sur lesquels repose la foi, ils sont nombreux de six. Et c'est le sujet du jour. Bi-idhnillahi azza wa jal. Donc passons à ce point des plus importants. Le but principal du cours, Sharhu Arkan il-Iman sitta, l'explication des six piliers de la foi. Le premier pilier de la foi, comme nous l'avons mentionné, al-Iman billah, la foi en Allah. La foi ayant pour définition, qawlun bil-lisan, wa amalun bil-arkan, wa i'tiqadun bil-janan. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته وطاعة الشيطان. Mais avant d'expliquer les piliers de la foi, notons la définition de la foi. Notons la définition de la foi. La foi, c'est une parole avec la langue, des actions avec les membres, une croyance avec le cœur. Elle augmente de par l'obéissance du tout miséricordieux ou vouée au tout miséricordieux, et elle diminue par sa désobéissance lorsqu'on obéit au diable. Donc la foi, elle iman, ça comprend plusieurs choses. Ça peut être avec la langue, des paroles, avec le cœur, ça peut être avec les membres, des actions. Le premier point, elle iman ou billah, la foi en Allah. Hada aslul usul. وَبَقِيَّتُهَا تَابِعَةٌ لَهَا تَابِعَةٌ لَهُ. Premièrement, l'imanu billah, la foi en Allah. Ceci est la base. Et le reste des piliers de la foi suit cette base. Et lorsqu'on médite les versets, on voit qu'on commence par la foi en Allah. كُلُّنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِي وَكُتُبِهِ. ليس البر ou plutôt ولكن البر من آمن بالله. Donc dans les versets on remarque qu'on commence par la foi en Allah. La foi en Allah, c'est donc la base. Et pour concrétiser cette foi en Allah, il nous faut quatre points. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. يتضمن أربعة أمور. La foi en Allah comprend quatre points. Premièrement, الإيمان بوجوده. Deuxièmement, إفراده في ربوبيته. Troisièmement, إفراده في ألوهيته. Et quatrièmement, إفراده في أسمائه وصفاته. Pour que la foi en Allah se concrétise chez nous, il nous faut, premièrement, croire en son existence. Deuxièmement, croire en son unicité dans sa seigneurie. Troisièmement, croire en son unicité dans la divinité, dans l'adoration. Et quatrièmement, croire en son unicité dans ses noms et ses attributs. Donc, croire en Allah, c'est croire en l'unicité d'Allah. Le premier point, croire en l'existence d'Allah. Et cela est avéré de par la prime nature. Toute créature a été créée sur cela, sans avoir au préalable étudié ou médité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Kullu mawludin yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que de par notre base, notre saine et prime nature, les gens reconnaissent l'existence d'Allah Azza wa Jalla et sont prédisposés à accepter cela. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que chaque nouveau-né, tout nouveau-né, naît sur Al-Fitra. Puis ce sont ses parents qui lui font changer sa religion. que ce soit vers le judaïsme, que ce soit vers le christianisme ou les adorateurs du feu. La raison saine également nous appelle à cela, à croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal, car la créature, avant d'être, elle n'était rien. Et le néant ne peut pas créer le présent, le vivant, ou le na'am, la chose présente. La créature ne peut se créer elle-même, et avant d'être créée, elle était dans le néant. Ainsi, elle a forcément un créateur, car elle n'est pas venue par hasard. Elle n'est pas venue par hasard. Aussi, celui qui médite la splendeur de cette création, de cette créature, s'il médite sur lui-même, il médite comment est-ce que les cieux ont été élevés, la terre aplanée, la succession des jours et des nuits, le soleil, la lune et autres, il verra sans aucun doute que tout cela n'est pas venu par hasard, mais c'est la création du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat al-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » Lama sami'a Jubayr ibn Mut'im hadhi al-aya qala kada qalbi an yatir. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Tur attire notre attention sur ce point lorsqu'il nous dit « Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs ?» Jubayr ibn Mut'im a dit, lorsqu'il a entendu ce verset, « Mon cœur a failli s'envoler. » Et c'est la première fois où la foi pénétra mon cœur, rapporté par Al-Bukhari. Aussi, les livres ont été révélés et les prophètes envoyés. Tout cela nous montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est en réalité perceptible car on témoigne chaque jour qu'Allah répond aux invocations et il secourt la personne et il la sauve de ses problèmes. On a également vu les miracles, on a également su plutôt les miracles, le bâton de Moussa, le fait que Isa faisait revivre les morts avec la permission d'Allah, lorsque la lune s'est fendue, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Passons au deuxième point. Al-imanu bi rububiyatillah. Avoir foi en la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire reconnaître qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, comme étant le seul maître propriétaire, et comme étant le seul gérant, administrateur. فنعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب العظيم وحده الخالق المالك المدبر. الله nous dit الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. Il nous dit également ألا له الخلق والأمر. À lui appartient la création et l'ordre. Dans sourate Al-A'raf. Dans sourate Al-A'raf. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk. Voici Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Dans Surat Fatir. Dans Surat Al-Sajda, yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Al-aya. Dans suratu, na'am, dans suratu Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, qu'il administre l'ordre des cieux vers la terre. Donc Allah, c'est tout ce qu'il fait, il le fait seul, sans associé. C'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui nous donne la vie, nous donne la mort. Les serviteurs sont soumis à son commandement. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui donne, c'est lui qui retient. C'est lui qui renforce, c'est lui qui avilit. Il juge selon ce qu'il veut. Et il décrète comme il le veut. Personne ne peut s'opposer à son commandement. Tout le monde reconnaît cela, si ce n'est une minorité par orgueil. Comme Allah nous le dit dans le Coran, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Dans sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les gens à l'image de Pharaon nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Ils y croyaient avec certitude. Allah nous dit: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Et si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient. Le puissant, l'omniscient. Donc même Kuffar Quraysh, les Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son peuple reconnaissaient que le créateur était Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne les a pas pour autant fait entrer en islam. Passons au troisième point, al-imanu bi uluhiyati. Donc le premier point de la foi en Allah, croire en son existence. Le deuxième, croire en son unicité dans la seigneurie comme étant le seul créateur, le seul maître et le seul gérant. Le troisième point, c'est de reconnaître l'unicité d'Allah dans la divinité. C'est-à-dire, avoir comme conviction ferme qu'Allah subhanahu est le seul digne d'être adoré. C'est le seul à mériter l'adoration. Et tous ceux qui sont adorés en dehors de lui le sont vainement, faussement et injustement. وَهَذَا مَدْلُولُ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. Et cela est le sens de la ilaha illallah. Allah nous dit: wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa yaqul dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wa yaqul wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour nous enseigner son unicité et nous appeler à cela, c'est ainsi, car Allah est lui le vrai, alors que ceux qui les invoquent en dehors de lui est le faux, et c'est Allah qui est le sublime, ou bien le plus haut, le plus grand. Dans sourate An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Et dans sourate Al-Baqara, et votre divinité est une divinité unique, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans Surat Al-Bayyina, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. Voici le prêche de tous les messagers. Voici ce avec quoi tous les prophètes et messagers ont été envoyés à leur peuple. Chacun disait: Ya qawm i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité, c'est-à-dire digne d'être adoré, en dehors de lui. Tous les prophètes sont venus avec cela. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adore Allah et ne lui associez rien. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Voici ce pourquoi Allah nous a créés. Voici ce pourquoi Allah a envoyé les messagers. Voici ce pourquoi il a tout légiféré. Donc, la prosternation est pour Allah. La prière doit être pour Allah, doit être faite pour Allah. Le sacrifice pour Allah. La confiance placée en Allah. On doit compter que sur Allah. Quand on demande une chose, on la demande à Allah. Quand on cherche le secours, c'est auprès d'Allah. Ya ghulam, innu 'allimuka kalimat. Ihfazil la yahfazuka, ihfazil la tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Ibn Abbas: lorsque tu demandes, demande à Allah. Et quand tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sont adorés faussement et vainement et injustement, car celui qui mérite l'adoration est celui qui a tout créé. Et le créateur, c'est Allah. Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. C'est pour cela qu'il nous dit en Sourate al-Baqarah, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sont adorés faussement et injustement. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent pas le pouvoir de faire le bien, ni de retirer le mal, et parce qu'ils n'ont pas la perfection absolue. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Allah Azza wa Jal nous indique cela lorsqu'il nous dit dans Surat al-Furqan, son traduction, « Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien. » Et qui ne possède la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Et c'est cela le sens de la ilaha illallah. La ma'abouda bi haqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Le quatrième point, par lequel on concrétise la foi en Allah, Al-Imanu bi asma'ihi wa sifatihi, avoir foi en ses noms et ses attributs. Et le Coran a été révélé pour nous faire connaître celui qu'on va adorer. Ça, c'est une des sagesses. Fanuthbitu lillahi ma athbata li nafsi wa athbata lahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam ala al-wajhi al-la'iqi min ghayri tamthilin wa la takif wa min ghayri ta'tilin wa la tahrif. Donc nous nous devons d'affirmer pour Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même comme nom et attribut, ou lui affirmer le messager sallallahu alayhi wa sallam, comme il convient à sa perfection. Et lorsque nous affirmons les noms et les attributs d'Allah, on se doit de faire attention à deux péchés gravissimes, deux fautes incommensurables. La première, at-tamthil, l'anthropomorphisme. On doit faire attention à ne pas établir de similitudes entre les attributs d'Allah et ceux de ses créatures. La deuxième faute gravissime est takif. On ne doit pas chercher le comment des attributs d'Allah. Et on ne doit pas questionner à ce sujet. Et on doit rejeter tous les défauts et toutes les imperfections, comme Allah l'a fait lui-même dans le Coran ou a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais on ne doit pas rejeter ce qui a été affirmé. Et on ne doit pas altérer les sens qui ont été mentionnés. Allah nous dit, dans Sourate Ash-Shura, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il nous dit également walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Wa qala wa lahu al-mathalu al-a'la ay al-wasf wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizul hakim. Allah nous dit dans Sourate Ash-Shura, il n'y a rien qui lui soit semblable, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc rien ne ressemble à Allah. Malgré ça, il entend et il voit, mais différemment de ses créatures. Voici la règle. Pour tous ses noms, tous ses attributs, Allah a telle et telle chose, mais différemment de ses créatures. Il n'y a rien qui lui soit semblable, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans un autre verset, dans Surat Al-A'raf, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Dans Surat Al-Rum, à lui appartient la plus belle description. Celui qui rejette un seul nom d'Allah aura mécru en Allah. Allah dit dans le Coran, « وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ » Et ils mécroient en Ar-Rahman. Allah, subhanahu wa ta'ala, a rejeté les imperfections, nous devons les rejeter, les imperfections. Par exemple, il nous dit dans le Coran, dans le verset le plus immense du Coran, « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'akhudhuhu sinatun wa la nawm. » Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. le vivant, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Donc là, on nous a mentionné deux noms d'Allah, El-Hayy, El-Qayyum, par exemple. Nous devons les affirmer. On nous a mentionné le nom d'Allah, Allah. Nous nous devons de l'affirmer avec les attributs. La divinité, la vie, El-Qayyumiyya. Puis on nous dit, La ta'akhudhu sinatun wa la nawm. Il n'est ni sujet à la somnolence, ni sujet au sommeil. Là, on doit rejeter ces deux défauts. On doit dire qu'Allah n'est pas sujet à la somnolence, il n'est pas sujet au sommeil, parce qu'il a la perfection de la vie et de la qayyumiyya. Très nombreux sont les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet. Très nombreux sont les versets, très nombreux sont les hadiths qui mentionnent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ce grand imam de la Sunna, disait Nasifullahu نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر الإمام أحمد On décrit Allah selon ce qu'il s'est décrit lui-même ou ce par quoi l'a décrit le messager sallallahu alayhi wa sallam. On ne dépasse jamais, on n'outrepasse jamais le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que dans ce chapitre, il faut parler que selon la révélation. On dit sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même, que ce qu'a dit sur lui le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Nu'aym ibn Hammad, Khuza'i rahimahullah, disait Celui qui établit une similitude entre Allah et ses créatures a mécru. Et celui qui rejette ce par quoi Allah s'est décrit, lui-même, alors il a mécru. Voici pour le premier pilier de la foi. On doit reconnaître qu'Allah Azza wa Jal, c'est le maître des mondes. C'est le créateur, le seul maître, et il a la perfection absolue, c'est donc le seul qui mérite d'être adoré. Voilà le minimum. Chers frères, chères sœurs, que vous devez savoir. Le minimum, chers parents, chers enfants, que vous devez connaître, c'est de savoir qu'Allah, c'est le Seigneur des mondes. C'est le Maître absolu. Il a la perfection. Il n'a aucun défaut. Et c'est le seul qui mérite d'être adoré. Voilà le minimum qu'on doit savoir pour avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Passons au deuxième pilier de la foi, el-iman ou bil-malaïka. El-malaïka, c'est le pluriel du mot malak. Ce sont les anges. Ce sont les anges. Ce sont des créatures d'Allah qui ont été créées de lumière, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous dit Allah dans le Coran, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et ils font constamment ce qu'il leur ordonne. Personne ne connaît leur nombre si ce n'est Allah, celui qui les a créés. On sait par exemple, comme Anas nous le rapporte dans le Bukhari et Muslim, que la nuit de l'ascension, le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a montré la maison peuplée, El Baytul Ma'amour. Et il y a 70 000 anges qui entrent et prient Allah et ne reviennent jamais. Allah dit dans le Coran aussi que personne ne connaît son armée si ce n'est lui. Et parmi son armée, il y a les anges. Il nous faut savoir qu'ils n'ont aucune part dans Rububiyya, dans la seigneurie, ni dans la divinité. Ils ne méritent pas d'être adorés. Mais ce sont des créatures d'Allah. Pour concrétiser la foi aux anges, il nous faut quatre points. Premièrement, croire en leur existence, même si nous ne les voyons pas. Deuxièmement, croire aux noms dont nous avons eu connaissance, comme Jibril, comme Mikaïl, comme Israfil, comme Malik, comme Malakul Maut. Et ceux dont nous n'avons pas une connaissance en détail à travers le nom, on y croit, mais d'une manière générale. Le troisième point, Al-Imanu bima alimna min sifatihim. Nous devons croire aux descriptions dont nous avons eu connaissance dans le Coran et la Sunna. Par exemple, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa vraie forme sous laquelle Allah l'a créé. Il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. Il couvrait à portée de vue. Donc ça, c'est un point en détail. On doit y croire en détail. Dans le recueil d'Abu Daoud, selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Udhinali, il m'a été permis, an uhadithakum, de vous raconter ou de vous mentionner an malak min malaikatillah min hamalatil arsh. On m'a permis de vous dire, de vous informer au sujet d'un ange parmi les anges d'Allah qui font partie des porteurs du trône. Inna ma bayna shahmati udhunihi ila atiqihi masirata sab'i mi'ati am. Sahahu al-Dhahabi wal-Albani rahmatullahi alayhima. » Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'un ange parmi les porteurs du trône d'Allah azza wa jal. L'espace qu'il y a entre le lobe de son oreille et sa clavicule ou son épaule est équivalent à la distance de 500 ans. De 500 ans, tabarakallah. 500 ans. Et dans une version à vol d'oiseau. Ça nous montre la grandeur de cette créature qu'Allah a créée. Allah nous dit dans Sourate Fatir, « Ja'ilil malaika rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'a. » Dans Sourate Fatir, encore une description des anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que certains ont deux ailes, certains en ont trois, certains en ont quatre. Voici une partie de la description dont nous devons, donc nous devons y croire de manière détaillée. De manière détaillée. Le quatrième point, Al-Imanu biwadaifihim wa a'malihim. Nous croyons à leur existence, au nom dont nous avons eu connaissance, aux descriptions dont nous avons eu connaissance. Pour le reste, on y croit de manière générale. Et quatrièmement, on croit en leurs actions et leurs missions, leurs devoirs. Lorsque nous avons connaissance en détail, on y croit en détail. Et dans le cas contraire, d'une manière générale, c'est qu'ils adorent Allah Azza wa Jal. Ils, par exemple, ils proclament sa pureté. Na'am, de jour comme de nuit. Par exemple, la yafturun, il ne se lâche jamais. Comme dans Suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne. Ils adorent Allah constamment. Ils ne se fatiguent jamais, ils ne se lâchent jamais. À titre d'exemple, il y a Jibril, qui est l'ange responsable de transmettre la révélation. Il y a Mikaïl, qui est l'ange responsable de Al-Qatr, c'est-à-dire la pluie et la végétation. Il y a Malik, qui est responsable de l'enfer, le gardien de l'enfer. Il y a Israfil, qui est l'ange responsable de souffler dans la trompe ou dans la corne. Il y a Malakul Maut, l'ange de la mort, qui est responsable de retirer l'âme de celui à qui Allah écrit la mort. Il y a, par exemple, l'ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie lorsque le envoie pour inscrire dans le ventre de la mère pour le futur nouveau-né, si Allah le décrète. Maza, quatre choses, comme c'est dans le hadith d'Abdullah ibn Sa'ud. Bikat bi rizqihi, wa ajali wa amali wa shaqi am sa'id. On lui inscrit sa subsistance. On lui inscrit son terme de vie, ses actions, et est-ce qu'il vivra, est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Il y a les anges qui sont chargés de noter nos actions, un à droite qui note les bonnes, un à gauche qui note les mauvaises. Il y a un devant et un derrière pour nous protéger, sauf lorsqu'il y a le décret, il s'éloigne, comme c'est venu dans le Coran. Et d'autres anges encore. Comme les anges qui parcourent la terre à la recherche des assises de science. Allahu Akbar. Ils parcourent la terre à la recherche des assises de science. Et lorsqu'ils trouvent cela, ils se disent mutuellement « Halumma ila hajatikum »« Venez, nous avons trouvé ce que nous recherchons. » Et ils se mettent les uns au-dessus des autres, jusqu'à remplir l'espace entre ce bas-monde et le ciel. Et ils écoutent. Et ils écoutent, subhanallah. Ils écoutent. Se rappellent. Ils écoutent, se rappellent. Parmi les anges, il y a également ceux qui se trouvent aux portes des mosquées le jour du vendredi. Et ils notent ceux qui y entrent. Ils notent tous ceux qui y entrent. Et lorsque l'imam vient ou le khatib vient pour faire la khutbah, ils plient leurs feuilles et ils vont écouter le rappel. Ils vont écouter le rappel. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retourner dans nos mosquées pour l'adorer. Et ce qu'Allah Azza wa Jal décrète, c'est le bien et la sagesse. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le hadith des anges qui notent le Jumu'ah, il est dans le Bukhari et Muslim. Il y a également l'ange qui, lorsque tu fais dua pour ton frère en Allah ou ta sœur en Allah, en son absence, il te dit Amin, wa laka bimithl. Il te dit Amin et qu'Allah t'accorde la même chose. Il te dit Amin et qu'Allah t'accorde la même chose. Allahu Akbar. Il y a également les deux anges chaque jour qui invoquent Allah. Oh Allah, accorde à ceux qui dépensent pour ta cause et remplace-leur, donne-leur. Oh Allah, détruis les biens de celui qui ne dépense pas. En gros, celui qui est généreux, qui donne pour Allah. On fait dua pour qu'Allah lui rajoute et lui remplace. Et celui qui est avare et qui retient et ne donne pas, on fait dua pour qu'Allah Azza wa Jal détruise ses biens. Il y a également les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Il y a les anges qui porteront le trône d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Et ils seront 8. Il y a les anges qui tireront les 70 000 chaînes de l'enfer pour l'amener sur, pour l'amener yawm al-qiyamah. Il y aura 70 000 anges par chaîne. La hawla wa la quwwata illa billah. On a comme information aussi que lorsqu'Allah aime le serviteur, il appelle Jibril. Oh Jibril, j'aime un tel, aime-le donc. Jibril se met alors à l'aimer. Puis il appelle les habitants des cieux, vous, les habitants des cieux. Allah aime un tel, aimez-le donc. Ils se mettent donc à l'aimer jusqu'à ce qu'on répande son agrément sur la terre. Subhanallah. Voici une des grandes créatures d'Allah qui a peur d'Allah, qui se soumet à Allah, qui adore Allah tout le temps. Ce sont les anges, alors qu'ils ne font aucun péché. Le troisième pilier de la foi, l'iman ou bil kutub, la foi aux livres, c'est-à-dire les livres qu'Allah a révélés en tant que miséricorde et guidé pour ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre « وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ الْآيَ وَيَقُولْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. La foi au livre est un des piliers de la foi. C'est le troisième pilier de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Shura et dit « Je crois en ce qui m'a été révélé de la part d'Allah. » Je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et dans Sourate An-Nisa, ô croyants, ayez foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Et quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Et ce verset de Sourate An-Nisa, verset 136, c'est un des versets à mettre au nombre des versets qui réunissent les piliers de la foi. La foi au livre comprend quatre points. Premièrement, الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا فهو كلامه غير مخلوق. Premièrement, donc la foi au livre comprend quatre points. Premièrement, le fait de reconnaître, le fait de croire que la révélation de l'ensemble de ces livres a été faite par Allah, et réellement et véritablement. C'est donc la parole d'Allah, incréée. Allah nous dit dans son livre, « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avoir foi en tous les livres dont nous avons, ou plutôt avoir, yani certifier tous les noms dont nous a fait mention dans le Coran ou la Sunna. On y croit d'une croyance particulière. Lorsqu'on connaît le nom d'un livre révélé, on y croit d'une croyance particulière, comme Al-Qur'an al-Karim, comme Al-Injil, qui a été révélé à Isa, comme Al-Tawrah, qui a été révélé à Moussa, alayhis-salam, comme Al-Zabur, qui a été révélé à Daoud, alayhis-salam, comme Suhuf Ibrahim. Le troisième point, تصديق ما صح من أخبارها. Le fait de reconnaître tout ce qui est authentique comme information des livres révélés. Cela comprend toutes les informations du Coran et comprend les informations des livres passés qui n'ont pas été falsifiées ni altérées. Et pour savoir cela, pour pouvoir l'affirmer, il faut que ce soit affirmé dans notre livre ou dans la Sunna. Et enfin, quatrièmement, l'amal bil Qur'an, le fait d'appliquer le Qur'an, sauf lorsque le jugement a été abrogé. Agréer cela et s'y soumettre. Ma'arrida wa taslim. Une remarque. Jami'ul kutub as-sabiqa mansukhatun bil Qur'an al-'azim. Tous les livres précédents, on ne les lit pas. On ne cherche pas la guider dedans. Car c'est le Coran qui prévaut sur tous les livres. Il est muhaiminun alayhi, mais hakiman alayhi, comme a dit Ibn Abbas. Alayha, comme a dit Ibn Abbas. Voir le tafsir Ibn Kathir. Wa anzalna ilayka al-kitab bil-haq musaddiqa lima bayna yadayhi min al-kitab. Wa muhaiminan alayhi. Dans Sourate Al-Ma'ida. Et sur toi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Donc le Coran, c'est le dernier livre révélé. C'est le meilleur livre révélé du fait qu'il comprend toutes les perfections des livres qui sont passés. Mais on y a ajouté des choses qui n'y étaient pas. C'est pour cela que c'est lui, certains ont dit le témoin sur les autres, qui prévaut sur les autres. Il y a eu différentes tafsir pour Muhaiminan, Shahidan, Hakiman, et ainsi de suite. Donc le Coran, c'est le meilleur livre révélé. Et Allah Azza wa Jal lui-même t'a kaffala bihifdi. C'est Allah lui-même qui le préserve et s'est engagé à cela. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dans Suratul Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et beaucoup demandent parmi les francophones, comment se fait-il qu'on dise nous? Nahnu. On a déjà expliqué que ce n'est pas un « nous » de pluralité, mais c'est un « nous » d'immensification, un « nous » de grandeur. Et cela existe dans la langue française qui se perd. Si mes souvenirs sont bons, c'est le « nous » de majesté. Donc, c'est « nous » pour la grandeur et non pas « nous » pour le nombre. Et ce que j'ai mentionné ici, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir, « rahimahullahu » Ta'ala, pour l'explication du verset. Quatrièmement, al-imanu bir-rusul. Quatrièmement, al-imanu bir-rusul, la foi aux messagers. C'est le quatrième point, le quatrième pilier de la foi. Ce sont des hommes parmi les fils de Adam, les plus nobles de leur peuple, qu'Allah choisit et élit, et il leur donne révélation et miracle, afin d'attester de leur véracité. Ils sont envoyés à leur peuple pour les inviter à la droiture. Le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, et le dernier d'entre eux est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son livre, dans sourate An-Nisa, « Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih » Et dans le hadith Shafa'a, le hadith de Anas dans le Bukhari et Muslim, « I'tu Nuhan » أول رسول بعثه الله. Dans sourate An-Nisa, nous t'avons fait une révélation comme nous le fîmes à Nuh et au prophète après lui. Donc ça prouve que Nuh est le premier messager. Et dans la sunna, on trouve que Yom al-Qiyamah, lorsque les serviteurs vont aller voir Adam pour qu'il intercède pour eux chez Allah pour commencer le jugement, il leur dira, après s'être excusé, d'aller voir Nuh, le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens. Donc Nuh est le premier, Mohammed est le dernier, comme Allah nous le dit dans Suratu Al-Ahzab, wa khataman nabiyyin, et le dernier des prophètes. Et sachez qu'aucune communauté, ou bien sachez que toute communauté a reçu un avertisseur, un prophète ou un messager. Un avertisseur, c'est-à-dire un prophète ou un messager. Allah nous dit dans le Coran, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Les messagers sont des créatures d'Allah. Ils n'ont aucune part dans la seigneurie, dans la création, ni droit à la divinité, à l'adoration. Allah nous dit « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Les prophètes, les messagers, sont des serviteurs d'Allah. Ils ne méritent pas l'adoration. Ils n'ont pas de part dans la création. Allah a ordonné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, comme c'est dans le Coran, dit, je ne détiens pour moi-même, ni profit, ni dommage, sauf ce que Allah veut. Sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est annonciateur. Donc on ne doit pas exagérer sur les prophètes et les messagers au point de les élever au même niveau qu'Allah, au point de leur demander en dehors d'Allah, au point de leur demander la guérison et autres. Cela ne se demande que à Allah. Mais il ne faut pas les mépriser, les négliger. Il ne faut pas diminuer de leur place au point de renier leur prophétie et leur miracle. Ce sont des humains. Ils sont donc sujets à ce qui touche les humains, comme le besoin de manger, de boire, comme la maladie, la tristesse, la joie, comme la mort. Ainsi, dans le Coran, Allah nous dit, dans l'histoire d'Ibrahim, « Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fa huwa yashfin, walladhi yumituni thumma yuhyin » Dans sourate Ash-Shu'ara, « Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Regardez le comportement d'Ibrahim, alayhi salam. Il dit, c'est Allah qui me donne, c'est Allah qui me donne, c'est Allah qui me donne. Mais au moment de parler de la maladie, en excellent monothéiste, il dit, wa idha maritu, et lorsque je suis malade. Il ne dit pas lorsqu'Allah me rend malade, alors que c'est Allah qui décrète tout, c'est Allah qui décide de tout. mais par comportement envers son Seigneur. Il dit, et lorsque je suis malade, وَإِذَا مَرِضْتُ, et quand je suis malade, et là pour parler de la guérison, la will fait revenir cela à Allah, c'est lui qui me guérit. فَهُوَ يَشْفِينَ. Ça, c'est un excellent comportement. On doit prendre exemple sur le Coran, exemple sur les prophètes, alayhim as-salam. Aussi, il nous faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé certains prophètes, certains messagers au-dessus d'autres. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah azza wa jalla nous dit parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Minhum man kalama Allah. Parmi eux, certains, Allah leur a parlé. Il en est à qui Allah a parlé. Allah Azza wa Jal, yani wa kallama Allah Moussa taklima. Allah a parlé à Moussa de vive voix. Il a donné à Isa le miracle de donner vie aux morts, de sortir de leur tombe. Il a donné au prophète Mohammed le plus grand miracle, le Coran al-Karim. Il a pris Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que Khalil. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Nous avons accordé à Daoud Az-Zabour, comme c'est mentionné dans Sourate Al-Isra. Quant au hadith qui dit dans le Bukhari Muslim, لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَا, ne favorisez pas un prophète sur un autre. Ibn Kathir explique et dit أي بالعصبية والتشهي, c'est-à-dire avec le fanatisme et le libre arbitre, le bon vouloir de chacun. Non. Par contre, avec les preuves, oui, ce que le Coran nous indique, on est obligé de le dire. Le prophète Mohammed sallam, par exemple, c'est le meilleur, on le dit. Ibrahim, c'est le Khalil, on le dit. Moussa alayhi salam, Kalimullah, on le dit. Nous avons également, nous croyons également qu'ils ont parfaitement conseillé leur peuple. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah et du paradis sans qu'il nous l'ait enseigné. Il n'y a pas un mal qui nous éloigne de cela sans qu'ils aient averti leur peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il reste des humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni. Le Bukhari Muslim nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne suis qu'un humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Ainsi, si j'oublie, rappelez-moi. La foi aux messagers comprend quatre points. La foi en Allah comprend quatre points. La foi aux anges, quatre points. Au livre, quatre points. Et là, aux messagers, quatre points. Premièrement, Al-Iman bi anna risalatihim haqqan min Allah. Premièrement, le fait de reconnaître fermement, sans aucun doute, que leur message émane réellement d'Allah. Leur message et leur miracle proviennent d'Allah. Celui donc qui renie un seul prophète ou un seul messager aura mécréant l'ensemble. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. C'est pour cela que, dans Surat al-Shu'ara, Allah Azza wa Jal nous dit le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Alors que c'est le premier messager. Mais du fait qu'ils ont mécréant en Nuh, ils ont mécréant en tous les messagers. Celui qui renie un seul messager aura renié tous les messagers. Ainsi, celui qui n'a pas cru en Isa n'a pas cru en Moussa. Et celui qui n'a pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cru aux autres. Deuxièmement, Al-Iman bima alimna min asma'ihim. Nous devons avoir foi en ceux dont nous avons eu les noms, une foi particulière, comme les cinq prophètes ou messagers les plus doués de fermeté, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puis Ibrahim, alayhi salam, puis Moussa, alayhi salam, puis Isa, alayhi salam, puis Nuh, alayhi salam. Et dans Surat Al-An'am, versets 86 jusqu'à 89, Allah Azza wa Jal a mentionné, si mes souvenirs sont bons, 18 messagers à la suite. C'est le passage qui comprend le plus de prophètes et de messagers. Et en tout dans le Coran, Savez-vous, il y a combien de noms de prophètes mentionnés? Il y en a 25. Il y en a 25. Quant à ceux dont nous ignorons les noms, on y croit d'une manière générale. Dans Surat Ghafir, Allah Azza wa Jal nous dit: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dans Surat Ghafir, certes nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Nous n'avons pas raconté l'histoire. Donc, on croit d'une croyance particulière à ceux dont nous avons eu connaissance. Et quant aux autres, on y croit d'une manière générale. Troisièmement, tasdir kuma sahha anhum min akhbarihim. Nous devons croire et reconnaître toute information toutes les informations qui nous sont parvenues de leur part. Et enfin, quatrièmement, al-amalu bi shari'ati khatamin nabiyyin. Le fait d'appliquer ce avec quoi nous est venu le dernier prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat An-Nisa, Allah nous dit: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants si longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger dans leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nul difficulté à accepter ou bien gêne, éprouver nul gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement. Donc on doit accepter ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre cela. Il nous dit: Wallahi, si Moussa ibn Imran alayhi salam avait été vivant, il n'aurait eu d'autre choix si ce n'est de me suivre. Il n'aurait eu d'autre choix si ce n'est de me suivre. Ainsi, nous devons tous suivre le dernier prophète et messager. Nous devons tous suivre le dernier prophète, le dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela requiert de notre part le fait d'étudier sa biographie, le fait de connaître sa voix, le fait de l'aimer, de le considérer, de chercher à savoir comment est-ce qu'il priait, comment est-ce qu'il jeûnait, comment est-ce qu'il accomplissait le hajj, quel comportement avait-il envers le proche, envers l'éloigné, envers le bien-aimé, envers celui qui nous déclare l'inimitié, sallallahu alayhi wa sallam. Voici le quatrième pilier de la foi. Quant au cinquième, l'iman ou bil yawm il akhir, avoir foi au jour dernier. On l'a appelé le jour dernier car il n'y aura plus de jour après celui-ci. Wa huwa yawm al qiyamah, c'est le jour de la résurrection. La foi au jour dernier, c'est-à-dire l'iman ou bi kulli ma ba'd al maut, avoir foi en tout ce qui y aura après la mort, tout ce qui se passera après la mort. Et de manière détaillée, les savants disent « Yatadhammanu thalathata umur ». La foi au jour dernier comprend trois choses. Donc jusqu'à présent, on disait quatre choses. Pour la foi au jour dernier, c'est trois choses. Premièrement, l'iman ou bilba'ath, avoir foi en la résurrection. C'est-à-dire qu'Allah va faire revivre les morts. Après que Israfil souffle une dernière fois dans la trompe, ils vont être ressuscités, nus, pieds nus, non circoncis. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah hufatan ghurla. Muttafaqun 'alayh. Donc, Allah va nous ressusciter. Corps et âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, sur la traduction des sens, de ce verset de Surat Al-Anbiya: tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. dans sourate Al-Mu'minun, les croyants. Et puis, après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Vous serez ressuscité. Donc, il y a un jour où on sera tous ressuscités chez Allah subhanahu wa ta'ala pour comparaître devant notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Yawma yaqoumu an-nas li rabbil alamin. Le jour où les gens se tiendront debout, comparaîtront devant le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous serez ressuscités le jour de la résurrection, pieds nus et non circoncis. Et cela est la sagesse d'Allah azza wa jal, du fait qu'il nous fasse revenir vers lui, afin d'être jugés selon nos actions dans ce bas monde, après avoir reçu des avertisseurs, après avoir reçu les messagers. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Le jour dernier, ceux qui n'ont pas cru dans ce bas monde vont regretter de ne pas avoir agi, de ne pas avoir suivi les messagers. Et ils seront blâmés ainsi. Et celui qui mécroit en la résurrection, faqad kafar, il est mécréant. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu, qul bala wa rabbi la tub'athun. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur. Deuxièmement, al-iman bil hisab wal jaza, la foi au compte, la foi en la rétribution. C'est-à-dire qu'Allah va nous ressusciter et Allah va nous juger, nous rétribuer. Celui qui a fait du bien, il trouvera du bien. Celui qui a fait autre chose, il trouvera selon ce qu'Allah azza wa jal lui donnera. Il y aura donc le jugement. Allah nous dit, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Qal, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun. Vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Et dans Suratul An'am, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois son équivalent. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Le troisième point, al-imanu bil jannati wan nar. Nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifati al-ula an yaj'alana ajma'in min ahli al-jannah wa na'udhu billahi min an-nar. نسأل الله الجنة نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من النار. Le troisième point, c'est le fait de croire au paradis et à l'enfer. Et on demande à Allah de nous joindre au paradis, au nombre des habitants du paradis, de nous préserver de l'enfer. C'est la destination finale, soit le paradis, soit l'enfer. فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. Une partie ira au paradis, l'autre partie ira en enfer. Al-Jannah jaza'ul muwahhidin. Le paradis, c'est la rétribution des gens du tawhid, des gens de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont compris cette parole, ont agi avec cette parole. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah jaza'uhum 'inda rabbihim jannat 'adlin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. ذلك لمن خشي ربه أما النار فهي دار العذاب التي أعدت للمشركين قال الله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية. Le paradis, c'est la récompense des gens du tawhid. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense est auprès d'Allah, ou bien la récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Allah les agrée, il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Et dans Suratul Kahf, on nous montre que la rétribution de ceux qui ont mécru, de ceux qui sont détournés de l'appel des prophètes et des messagers, de ceux qui n'ont pas considéré la prière, de ceux qui n'ont pas accordé importance aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux c'est l'enfer. Dans Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction du sens, des sens de ce verset, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Non. Voici les trois points de la foi au jour dernier. Croire en la résurrection, croire au jugement et la rétribution, et croire au paradis et à l'enfer qui sera la destination des gens. Passons au dernier pilier de la foi, l'iman ou bil qadar, khayri wa sharri. La foi en la prédestination, qu'elle nous soit favorable ou défavorable. Le destin, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su depuis toujours. Ainsi, ça a été décrété selon la science d'Allah azza wa jal. Et ça comprend quatre points. La foi au décret comprend quatre points. Donc la définition du qadar, Ibn Uthaymeen nous dit « Taqdirullahi ta'ala lil ka'inati hasbama sabaqa ilmu wa qtadat hikmatu al imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umur » La foi au destin, au décret, comprend quatre points. Premièrement, l'imanu bi anna Allah alima kulla shay azalan wa abada jumlatan wa tafsila ma yata'allaku bi af'ali ou bi af'ali ibad. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala est savant de toutes choses, a su toutes choses dans le passé qui n'a pas de début, dans le futur éternel, que ce soit en détail ou que ce soit en général, que ce soit en rapport avec ses actions à lui ou les actions de serviteurs. Allah connaît tout sans exception. Il sait ce qui est, il sait ce qui a été, il sait ce qui sera. Il sait même ce qui ne peut être, si cela avait été, comment cela aurait été. Il connaît tout, subhanahu wa ta'ala, même l'impossible. Le deuxième point de la foi au destin, al-imanu bi anna Allah kataba dhalika fi al-lawh al-mahfouz, c'est que tout a été inscrit dans les tablettes préservées. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal-ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Donc, tout a été écrit. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Tout cela est consigné dans un livre. C'est-à-dire, al-lawh al-mahfouz. Ceci est simple pour Allah, ou facile pour Allah. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhumah, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Katab Allahu maqadir al-khala'iq, قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a décrété tout ce qui adviendra aux créatures avant d'avoir créé les cieux et la terre, ou bien 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout a été décrété pour les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il y a également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, أول ما خلق أو بيان أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah créa la plume, il lui dit écris. Elle répondit, que dois-je écrire? Il lui dit, écris tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, tout a été écrit jusqu'au jour de la résurrection. Troisièmement, l'iman ubi mashi'atillah. Fama sha'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Avoir foi en la volonté, la madha, na'am, la volonté suprême d'Allah. C'est-à-dire, ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Allah nous dit en son livre, wa rabbuka yakhluqu. وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il nous dit également, si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc et ce qu'ils forgent comme mensonge. Et enfin, quatrièmement, l'iman ou bi anna Allah khalaqana wa ma na'mal. Quatrièmement, c'est le fait d'avoir comme croyance qu'Allah nous a créé nous et nos actions. Tout ce qui est une création, tout ce qui a été créé, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit notre être, que ce soit nos caractéristiques, notre descriptif, que ce soit nos actions, Allah nous a créé nous et nos actions. Il nous dit dans son livre, Allah خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dans Sourate Az-Zumar, Allah est le créateur de toutes choses. Il est le garant de toutes choses. Dans Sourate Al-Furqan, il a créé toutes choses. Et dans le Coran, l'histoire d'Ibrahim, Wallahu khalaqakum, Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Et ici, il est judicieux de mentionner une remarque, qui est qu'il n'y a pas de contradiction entre l'affirmation de la création d'Allah, le fait qu'il nous ait créé nous et nos actions, et le fait de dire que le serviteur a un libre arbitre. Qu'Allah lui a donné la volonté et la capacité. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, car les deux sont mentionnés dans le Coran et il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Allah nous dit, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Donc Allah nous mentionne la volonté de la créature et mentionne que celui qui veut peut prendre un chemin vers Allah Azza wa Jal. Et qu'il nous dit également, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَتَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. Et craignez Allah autant que possible, et écoutez et obéissez. Donc dans Sourate Al-Taghabun, on nous montre qu'on a un libre arbitre, qu'on peut faire. Tout le monde sait cela. Nous ne sommes pas tels des feuilles au vent. Mais on a un libre arbitre, on a une volonté, on a une capacité. Mais la volonté d'Allah est suprême. Et la nôtre suit la volonté du serviteur, la capacité du serviteur a lieu selon la volonté d'Allah. Voici le résumé. Allah nous dit, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dans Sourate Al-Takwir, pour celui qui parmi vous souhaite observer la droiture, et vous ne pouvez vouloir, sauf si Allah le veut, le Seigneur des mondes. Donc on a affirmé ici la volonté du serviteur, mais on nous montre qu'elle suit la volonté du Seigneur. Allah nous dit également, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ. Allah Azza wa Jal, encore dans ce verset de Sourate Al-Hadid, affirme son décret. Et dans ce chapitre, il nous faut faire attention à la voix de deux sectes égarées. La première, ceux qui disent que le serviteur n'a pas de volonté, il est tel une feuille au vent. Et la deuxième secte est celle qui dit il n'y a pas de destin, mais c'est le serviteur qui fait ce qu'il veut et il crée lui-même ses actions. Non, nous nous disons qu'Allah a tout su, que tout a été inscrit, que Allah, ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Même si nous avons, nous, une volonté, une capacité, elle est sous la volonté d'Allah et sa toute-puissance et son omnipotence. Et qu'Allah nous a créé, nous et nos actions. Pour finir, le hadith Jibril, qu'on surnomme Ummu Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Omar al-Khattab nous le dit, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors qu'un jour nous étions assis en compagnie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. C'est alors qu'apparut soudainement, subitement, un homme avec les cheveux très noirs, un vêtement d'un blanc étincelant. Il vint se poser face au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et mit ses genoux face à ses genoux, ou ses genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses. Et dit « Ô Mohammed ». Puis il l'a questionné sur la foi, sur les piliers de l'islam. Plus loin, il lui dit « Akhbirni anil iman ». « Informe-moi au sujet de la foi ». Il lui répondit « An al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhir wa tu'mina bil qadari khayri wa sharri ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Lorsque l'homme, qui en réalité était Jibril, alayhi salam, sous l'apparence humaine, lorsque Jibril l'a questionné en lui disant « Informe-moi au sujet de la foi », le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination, bien au destin, bon et mauvais, c'est-à-dire qu'il te soit favorable ou défavorable. » Voici la preuve des six piliers de la foi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrêtons sur cela et on se donne rendez-vous mercredi à 18h inshallahu ta'ala pour mentionner les fruits de la foi, les effets bénéfiques de la foi. Qu'avons-nous à tirer de la foi après l'avoir eu, après l'avoir entretenu, augmenté? Qu'est-ce que nous avons à gagner dans ce bas monde, dans notre tombe et dans l'au-delà? Et ça, c'est un des points les plus importants à savoir, particulièrement en cette période de troubles et d'épreuves. Nous sommes dans le plus grand besoin de cette connaissance pour embellir nos journées, embellir notre bas monde orné par la foi. Et prendre nos provisions dans ce bas monde pour l'au-delà. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم اجعله رحمة لنا لا عذاب يا رب العالمين يا رؤوف يا رحيم يا لطيف يا رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين